19. Observation. On. On égale les gens. En France, les gens parlent français. En France, tout le monde parle français. En France, on parle français. En France, on parle français. Quand on joue, le temps passe vite. Quand on cherche, on trouve. On représente les gens en général, n'importe qui et tout le monde. C'est un pronom indéfini, général. C'est une troisième personne du singulier. On égale nous. Qu'est-ce que vous faites? Nous faisons la sieste. On fait la sieste. On représente aussi nous. On fait la sieste correspond à un niveau de langue plus familier que nous faisons la sieste.